Bonjour petite étoile et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Alune. Mon compagnon, qui s'occupe de la création sonore, et moi-même avons composé une trame et un rythme inédit pour enrichir ce podcast de méditation guidée en t'emmenant plus loin encore à travers les étoiles. Le rythme du podcast change, tant dans son contenu, avec des épisodes plus longs, que dans sa fréquence de diffusion, un épisode tous les 15 du mois. Le premier épisode à paraître sera donc disponible le 15 janvier. Si tu es nouvelle sur ce podcast, petite étoile, je te souhaite la bienvenue. Alune est devenue un personnage à part entière, une belle étoile en rêve d'aventure, qui va se retrouver propulsée dans le théâtre des étoiles. Ce conte initiatique que je vais te raconter chaque mois se passe dans la galaxie de Cosma, un univers fictif où l'astrologie prend vie. Dans Cosma, chaque planète astrologique est incarnée par un maître céleste, un personnage humanoïde de haute importance dans la galaxie. Chaque signe du zodiaque est un costume revêtu par les étoiles et les maîtres et qui leur permettent de développer tel ou tel comportement en fonction des situations. Enfin, les maisons zodiacales sont les 12 planètes de la galaxie de Cosma et les lieux de résidence des maîtres célestes qui sont leurs régents. Chaque épisode d'Alune sera composé d'un chapitre du conte initiatique d'Alune, progressant vers la quête du soi à travers les processus d'individuation jungien, ainsi que d'une méditation inspirée du thème abordé dans le chapitre. Pour te résumer brièvement la théorie jungienne, chaque individu possède en lui différentes parts qu'il doit apprendre à équilibrer pour vivre en harmonie avec lui-même et avec le monde extérieur. La première, la persona, est la personnalité construite durant la première étape de la vie d'un individu. Elle se pose comme un masque sur son identité propre et est le visage présenté à la société. La persona est une petite part d'une deuxième composante fondamentale de chaque individu qui est le soi. C'est la facette inconsciente de chacun et elle doit être révélée grâce au processus d'individuation. Celui-ci consiste à traverser les archétypes de la personnalité, que l'on retrouve d'ailleurs dans le zodiaque, et à les intégrer pour devenir un être autonome et indivisible. Au sein du soi se construit l'ombre, comportant tous les aspects psychiques de l'être ayant été refoulés et exclus de l'existence de l'individu, pour des raisons sociales, morales, culturelles ou éducatives. Dans le conte d'Alune, j'aborde ces trois concepts d'une manière ludique et intuitive pour que tu puisses avancer aux côtés d'Alune dans ce processus d'individuation grâce aux archétypes développés en astrologie. Si cette deuxième saison est aussi différente que la précédente, c'est parce qu'elle est devenue un lieu d'expérimentation pour construire et animer mon propre univers astrologique au sein de la formation du labyrinthe astrologique. Ce labyrinthe a été réalisé et construit par Marie-Célène, une autre conteuse du ciel chère à mon cœur. Dans cet incubateur, je crée cet univers astrologique propre à mes interprétations et envies artistiques pour le proposer très bientôt au sein de consultations d'astrologie psychologique, ludique et créative. Petite étoile, j'ai hâte de te dévoiler chaque chapitre de ce conte dans lequel, je l'espère, tu trouveras tout l'amour et la poésie que je diffuse dans ce podcast pour te détendre et te faire voyager à l'intérieur de toi-même. Merci d'avoir écouté l'épisode pilote d'Alune saison 2, le théâtre des étoiles. Je remercie mon compagnon, Timothée, qui crée pour Alune des ambiances sonores et des mélodies magiques. Si le concept de ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à rejoindre la communauté de Petites Étoiles sur Instagram.